بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه أما بعد فaujourd'hui le 29 du mois de Jumad al-Oula de l'année 1443 après la hijra de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nous entamons le troisième cours de notre série de cours sur le commentaire du livre de l'imam al-Mubaddal, imam Ahl al-Sunnah, Ahmed ibn Muhammad ibn Hanbal al-Shaybani, rahimahullah ta'ala. Nous commencerons comme à notre habitude par une série de questions afin de réviser le cours de la semaine passée, incha'Allah ta'ala. La première de ces questions: qu'est-ce que l'aqida? L'aqida. Normalement, voilà. Normalement, toutes les mains se lèvent. Hafidhakumullah, il y a des questions. Il y a des sujets et des définitions qu'on a déjà vus ensemble dans les cours précédents. Ça, normalement, ce sont des choses qui sont acquises. Et il y a des questions que même avant de venir à ce cours, la totalité ou au moins la majorité d'entre vous devrait pouvoir y répondre. Comme ce genre de questions. Qu'est-ce que l'aqida? Damien Trotta. C'est ce qui est lié au cœur comme un nœud, comme croyance, parmi ces croyances, la foi en Allah, en ses anges, en ses prophètes, en ses livres, aujourd'hui, le mois dernier, au destin qui sera... Ahsant, barakallahu fik. Ahsant. Donc l'aqida, qui vient de l'uqda ou de l'aqd, qui est le nœud, c'est ce à quoi c'est noué, c'est lié le cœur, comme certitude et croyance, et foi. Et cette foi, cette croyance, c'est la croyance en Allah, ses anges, ses livres, ses messagers, le jour dernier et la prédestination bonne ou mauvaise. Voilà ce que veut dire l'aqida, la croyance. Qu'est-ce que as-sunnah? On va en avoir besoin pour le cours d'aujourd'hui et on l'a déjà détaillé, que ce soit dans les cours du mustalah, de la terminologie du hadith, ou dans les cours précédents dans l'aqida, la sunnah, tafaddal. Dans le domaine qui nous intéresse, c'est la croyance. Ahsant. Et de manière générale, c'est tout ce que le prophète sallam a dit, a fait ou a approuvé, que ce soit en caractéristique morale ou physique. C'est presque ça. Ahsant, barakallahu fik. Première chose, dans la terminologie que l'on va utiliser aujourd'hui dans le cours de usul sunnah. On dit que as-sunnah ici, dans la parole de l'imam Ahmed, usul sunnah, usul sunnati indana, les fondements de la sunnah auprès de nous, ce sont, il parle ici de as-sunnah comme étant al-manhaj, al-aqida. Donc c'est un terme qui est plus général que le terme utilisé dans, par exemple, la science de al-mustalah, des terminologies du hadith. Lorsqu'on parle de la sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith, on dira que c'est toute acte ou action ou parole qu'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou approbation ou caractéristique physique ou morale. Donc c'est toute parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou action ou approbation ou caractéristique physique ou morale. Ceci est la sunnah. Et la sunna s'oppose à quoi? Quel terme? Mustafa. Al-bid'a, ahsant, l'innovation. Al-bid'a. Ce qu'on va étudier dans le cours d'aujourd'hui et le cours de la semaine prochaine. Les premiers cours dans ce livre, ou sur le sunna, sont un petit peu longs et il y a beaucoup de termes techniques à apprendre et de définitions à mémoriser. Pourquoi? Parce que l'imam Ahmed, rahimahullah, dans ce livre, ou sur le sunna, a introduit par une introduction qui est propre à l'manhaj, la méthodologie des pieux prédécesseurs. Puis ensuite, comme je l'ai lu la semaine passée dans le sommaire, il va détailler et éclaircir la croyance des gens de la sunna concernant, par exemple, la prédestination, concernant le Coran, le livre d'Allah, tabaraka wa ta'ala, le Coran, concernant les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et autres que cela parmi les croyances des gens de la sunna. Mais ici, dans son introduction, il introduit par une introduction propre au manhaj, à la méthodologie des pieux prédécesseurs. Avant de commencer à étudier cette croyance des gens de la sunna, tu te dois de savoir d'où tu vas prendre cette croyance. C'est pour cela qu'il commença en disant Usulu sunnati indana at-tamassuku bima kana alayhi ashabu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa liqtida'u bihim wa tarku al-bid'a wa kullu bid'atin fa hiya dhalala. Dans le sens de ces paroles, rahimahullah, il dit donc chez nous, les fondements de la sunna consistent à s'attacher à la pratique des compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, les prendre pour modèle, délaisser les innovations religieuses, car toute innovation est un égarement. Dans cette simple phrase, il y a beaucoup de sujets à trait au manhaj des pieux prédécesseurs. C'est pour cela que on prend quelques cours pour apprendre et mémoriser ces sujets et ces définitions qui nous seront importantes, même fondamentales, pour bien assimiler les cours prochains. Donc, on a défini ce qu'était la sunna. Usul sunna, les fondements de la sunna de l'imam Ahmed sont rapportés dans plusieurs livres. Parmi ces livres, le livre de l'imam Abu al-Qasim, Hibatullah al-Lalaka'i, rahimahullah, qui est mort en quelle année ? Hassan. 418 418. Ahsad. 418 après la hijra du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc cet imam, Hibatullah al-Lalaka'i, rahimahullah, al-Tabari, était un grand imam des gens de la sunna. Il a ce livre qu'il a appelé Sharh Usul al-I'tiqad, ou Sharh Usul al-I'tiqadi Ahl al-Sunna, c'est-à-dire l'explication des fondements de la croyance des gens de la sunna et du groupe. Dans ce livre, il a rapporté les croyances des gens de la sunna avec des chaînes de transmission. C'est-à-dire qu'il rapporta des hadiths, de même que des athar. On sait ce que veut dire le hadith et l'athar maintenant, ou l'athar, maintenant qu'on a étudié les terminologies du hadith. Donc il a rapporté beaucoup de hadiths, de athar, parfois des ayats du livre d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Parfois, il rapporta des paroles des imams de la sunna. Et parmi ces paroles des imams de la sunna qu'il a rapportées pour éclaircir et expliquer la croyance des gens de la sunna et du groupe Ahl sunna wal jama'a, il rapporta plusieurs croyances, c'est-à-dire des épîtres, des traités de la croyance des gens de la sunna. Parmi ces traités, les fondements de la sunna de l'imam Ahmed, de même que quel livre ou quel traité que j'ai évoqué la semaine dernière, Soufiane Fadl. La croyance de Soufiane al-Thawri, Ahsant. Kamel Fadl. Sarih al-Sunna d'Ibn Jarir al-Tabari. Qui est Ibn Jarir al-Tabari? Comment on l'appelle généralement? L'imam des Mufassirin. Ahsant, l'imam des Mufassirin, l'imam des gens du Tafsir. Qui d'autre? La croyance de qui? Hein? De l'imam al-Bukhari. De l'imam Abu Abdillah. Hein? Muhammad. Ibn Ismail. Ibn Ibrahim. Hein? Ibn al-Mughira. Hein? Ibn Bardisba al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, qui est mort en quelle année l'imam al-Bukhari? 256, ahsant. Comment on l'appelait l'imam al-Bukhari? On appelle Ibn Jarir al-Tabari, imam al-Mufassirin. Comment on appelait l'imam al-Bukhari? Mahdi. Amir al-Mu'minin, fil hadith. On l'appelait comment aussi? Comment on l'appelait l'imam muslim? Mohamed Fadl. Tabib al-Hadith, Tabib al-Ilal, Tabib al-Hadith. C'était le docteur, le médecin du hadith. Rahimahullah ta'ala. Pourquoi on évoque tout ça? On se le rappelle pour montrer la place de ce grand imam, l'imam al-Bukhari, qui est l'auteur du Sahih et d'autres livres, mais en particulier du Sahih, donc de l'authentique de l'imam al-Bukhari, qui est, d'après l'unanimité des musulmans, le deuxième livre le plus authentique après le livre d'Allah, tabaraka wa ta'ala, bien sûr, le Coran. Et dans ce livre, le Sahih de l'imam al-Bukhari, comme on l'a évoqué dans les cours précédents, les deux derniers livres, ou les deux derniers chapitres de ce livre, quels sont-ils? Kitab Tawhid. Hein, Mustafa, l'avant-dernier. L'avant-dernier. Le fait de s'accrocher à la sunnah. Ahsant. Kitabu li'tisam. Le chapitre du cramponnement à la sunnah. Kitabu li'tisam. Et le dernier, comme l'a dit Mustafa, Kitabu al-Tawhid. Le livre de l'unicité. Dans le Sahih de l'imam al-Bukhari, 256 après la hijra du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils avaient cette importance, donc les imams de notre communauté, d'écrire des livres qui traitent de At-Tawhid. Que certaines personnes parmi les ignorants aujourd'hui disent que cette chose-là, nous l'avons déjà appris, nous en avons terminé. En 10 minutes, on apprend Tawhid, apprenons donc le reste de la religion. Regardez, l'imam al-Bukhari a terminé, a clôturé son livre, a scellé son livre par le livre de l'unicité, qui est un livre très important, un chapitre très important, où il réfute, donc c'est un rad, une réfutation aux gens de l'innovation. Parmi le Jahmiya et autres, ceux qui dénaturaient les noms et attributs d'Allah tabaraka wa ta'ala, car ils étaient répandus à l'époque de l'imam al-Bukhari. C'est une innovation qui était apparue et qui s'était répandue à l'époque de l'imam al-Bukhari. Donc, les grands savants, les grands imams de notre religion se sont vus obligés de défendre la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala et donc d'écrire ses réfutations. Le Kitab al-Tawhid de l'imam al-Bukhari, de même que son livre Khalqu Af'al al-Ibad, qui est aussi une réfutation al-Jahmiya et autres, et autre que cela parmi les livres de réfutation. Donc, l'imam al-Bukhari, pourquoi j'avais lu une partie de son traité la semaine passée, rapporté par l'imam al-Lakaï, Tfadal Mohamed. Parce qu'il a dit qu'il avait rencontré plusieurs ulama dans plusieurs endroits et que aucun d'entre eux en fait divergeait dans l'aqida. Alhamdulillah, ahsant, ahsant, barakallahu fik. Si vous vous rappelez, la semaine passée, lorsque j'ai ouvert le livre de l'imam al-Lakaï et je vous ai rapporté ses traités, où le nom de ces grandes personnalités, si on peut le dire ainsi, on dira ces grands imams de notre communauté, l'imam Ahmed, l'imam Ali ibn al-Madini, l'imam ibn Jalir, al-Tabari, Abu Hatim et Abu Zur'a, al-Raziyayn, l'imam al-Bukhari, Abu Thawr, Sahl ibn Abdillah al-Tustari, et autres que cela, parmi ces grands imams de qui l'imam al-Lakaï rapporte le traité de la sunna ou le résumé de la croyance des gens de la sunna selon eux. Et tout cela, il les a rapportés pour montrer, pour mettre en évidence que pas l'un d'entre eux n'a divergé dans les fondements de la sunna. Tous ces grands imams de la sunna, c'est-à-dire si on parle des musulmans, on ne regardera pas chacun des musulmans l'un après l'autre, ou l'un en dehors de l'autre. Plutôt, lorsqu'on parle d'une communauté, on regardera ses leaders, les gens qui représentent cette communauté, les leaders de notre communauté, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ses compagnons et ceux qui les ont suivis dans le bien parmi at-tabi'in wa atba' at-tabi'in et ceux qui les ont suivis dans le bien parmi les imams de la communauté. Donc, si un non-musulman, comme un musulman, cherche à savoir sur quoi est basée la croyance des musulmans, il ne regardera pas les gens de la masse parmi les musulmans, un après l'autre, quelle est sa croyance plutôt, il regardera les leaders, les têtes de la communauté. Parmi ces leaders donc de notre communauté, ces grands imams. Et cette parole de l'imam al-Bukhari, qu'a rapporté le frère Mohamed Zallah Khair, cette parole que je vous ai lue la semaine passée, où il dit, j'ai rencontré plus de 1000 cheikhs, personne de qui je prenais le hadith, imam de cette communauté, dans tel et tel et tel pays. Il évoqua plusieurs contrées. Puis il détailla, si vous vous rappelez, il dit, dans Al-Hijaz, j'ai rencontré telle et telle et telle personne. Dans la région de Sham, telle et telle personne. Dans la région de Misr, telle et telle personne. Puis il dit, et c'est cela qui nous intéresse, il dit, et cela, comment dire, illustre bien ce pourquoi je vous ai lu cette partie de ce livre de l'imam al-Lakaï. Il dit, pas un seul d'entre eux, dans le sens de ses paroles, pas un seul d'entre eux, d'entre tous ceux que j'ai évoqués précédemment, parmi ces 1000 personnes, parmi les imams de la sunna, parmi les imams de la religion, pas un seul d'entre eux n'a divergé sur ces points que je vais évoquer. Et il évoqua les fondements de la sunna qui sont les mêmes évoqués par l'imam Ahmed, qui sont les mêmes évoqués par l'ensemble de ces imams. Prenez garde à ces gens, parmi les gens des passions et de l'innovation, qui veulent vous faire croire que les imams de la sunna ont divergé sur les fondements de notre croyance. Si tu veux leur répondre, tout simplement, réponds-leur avec cette parole de l'imam al-Bukhari, ou avec cette parole de l'imam al-Lalakai, ou le fait que l'imam al-Lalakai, dans son livre, rapporte le traité de la croyance de tous ces imams de la religion. Une dernière question, pourquoi suivons-nous la compréhension de Sahaba, radhiyallahu anhum? Qui sont Sahaba déjà? Fadal Salih. Sallallahu alayhi wa sallam. Ahsant, on a dit ceux qui ont vu, on a exprimé ou on a défini le sahabi par un terme autre que celui qui ont vu. On a dit que certains parmi les savants disent, comme l'a dit Salih ici, comme l'a défini, qui est une bonne définition, sauf que lorsque tu dis celui qui a vu, ça exclut certains parmi les sahaba qui étaient aveugles, qui n'ont pas vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc on a exprimé d'une autre manière. Comme l'a dit Al-Hafidh Ibn Hajar, il a dit, le sahabi c'est celui qui a rencontré Ahsantum, celui qui a rencontré. On a dit que beaucoup parmi les savants ont dit, comme l'a évoqué Salih ici, donc celui qui a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est une définition qui est acceptable. Puisque celui qui a donné cette définition ne veut pas sortir les grands sahaba qui était aveugle. Il ne veut pas les sortir de cette définition. Simplement, une meilleure manière ou une manière plus minutieuse d'exprimer ou de définir le sahabi, c'est de dire celui qui a rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a cru en lui et qui est mort sur cette croyance. Ahsantum. Donc pourquoi suivons-nous la compréhension de ces gens-là? Radiallahu anhum ajma'in. Moulud, fadal. Parce qu'ils ont déjà été agréés par Allah. Ahsant, ahsant. Jamil. Ahsant. Parce qu'ils ont été agréés par Allah, tabaraka wa ta'ala, il nous a informé qu'il les a agréés, subhanahu wa ta'ala, dans ce verset, وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ. Ils sont agréés par Allah, tabaraka wa ta'ala. Quelle compréhension est meilleure pour toi à suivre dans ta religion qu'une compréhension qui est déjà agréée d'Allah, azza wa jal? Tu sais que cette compréhension est agréée d'Allah tabaraka wa ta'ala. Pourquoi vas-tu te fatiguer à chercher une compréhension autre que celle-ci? Et quelle compréhension allons-nous suivre, pardon, si nous ne suivons pas cette compréhension qui est agréée d'Allah azza wa jalla? La compréhension de cet architecte, la compréhension de cet agriculteur, la compréhension de celui-là qui est le plus, ou qui est une personne de piété, ou la compréhension de celui qui est une personne de mauvaise mœurs? Quelle compréhension allons-nous choisir? Ici, nous avons déjà cette voie qui est tracée. Allah tabaraka wa ta'ala nous a informé qu'il a agréé cette compréhension, donc il nous convient ici de la suivre. Il nous est même obligatoire de suivre cette compréhension.